carcasse, comment se fait-ce sans même un geste. J'ai anéanti le pays du sourire dont tu portais haut le maillot. Jusqu'à mon arrivée, moi, plein de nouilles, plein de moi, plein de bons sentiments mous, résolu, un plan de paix dans mon œil blanc. Une révolution fleurie à la bouche, oui, fleurie, fleurie, je t'arrive, je t'effleure. Et là, je te refile sans même un geste, je te refile sans même un geste. Mais reste ma peste, sans même un geste. Oh, seul alone, dans la nuit, sibylline, mon âne en panne, et je suis down, down, so seul alone. Alors guide-moi, down, down, amour, guide-moi, je suis down, down, down, down, so, so, seul alone. Bonsoir. En manchette ce soir à 70%, un spécial problème technique avec moi qui va essayer de faire fonctionner la console. Alors, vous écoutez 70% à Choc FM sur Choc FM. Ah, puis là, voyez-vous. Voilà. Problème technique. Alors, je vais... Ouais, quoi? Problème technique. Premier problème technique. Alors là, je vais essayer de faire jouer. Asti, ça a marché. Trop, trop, trop. Y a trop de questions sur ma liste. De questions techniques et existentielles. Si Jésus était jeté à l'autel la première, flotterait-il quand même? Rebondirait-il ou se cognerait-il? Et que vaut cette théorie qui dit qu'à chaque fois qu'on écrase une mouche, l'une de ses pattes repousse parmi nos sourcils? La vie, ce n'est pas simple, mais heureusement on peut, paraît-il, expliquer le monde par une équation mathématique. 100 moins 30 donne 70, plus 100 donne 170, plus 70 donne 240, moins 30 donne 210, plus 70 donne 280, divisé par 4 donne 70. Va donc répéter ça à ta sœur de ma part. Elle en sera folle d'amour, j'en suis sûr. Ah, voilà. Alors, nous voici à 70%. Et là, j'allume les micros des amis. Ouh, OK, ouh. Et puis là, tous les micros sont allumés. Fait que vous pouvez switcher de micro. Problème technique. Ah, moi, j'ai le set qui marche pas. Va sûrement y en avoir. Tu peux prendre deux micros ce soir. Oui, tu peux prendre deux micros si tu veux. Tu peux en mettre un. Là, je parle dans deux micros. Tu vas avoir une voix stéréo. Alors, bonsoir. Bienvenue à la 278e émission de 70%, si je ne m'abuse. Wow. C'est... Non. Ah, oui? Oui. Ah ouais? 278, pour vrai, on va... Ah, peut-être 277. On va péter le 300 comme cette année, là. Ouais, ouais, je pense qu'on devrait faire un épisode où on écoute une vieille émission puis on la commente. Ben oui. On pourrait prendre, dans le temps que c'était une heure, fait comme ça, on aurait le temps de mettre à pause, de commenter un peu puis de continuer. Ouais, on pourrait juste comme pogner les meilleurs bouts de toutes nos émissions. Ouais, ça demanderait une recherche puis faire un tie-in avec des flashbacks. Hey, vous souvenez-vous, la un épisode de réhute, comme qu'on dit dans le monde du dessin animé. Exactement. J'avais déjà pensé, mais c'est trop de travail. Alors, on a reconnu ici la voix d'Étienne Forêt. Moi-même. Étienne Forêt qui va aujourd'hui, tu nous parles de... T'as-tu un thème? Oui, ou... j'ai un thème. Mais ouais. Je dis donc que moi, je suis allé pêcher la truite dans une rivière au lac Saint-Jean cette semaine. Fait que ça m'a inspiré un petit thème nature. Ah, voilà. C'est ça. Alors, t'as pas un thème 4 juillet, Independence Day? Non, ou non, quelque chose au plat. Saut l'acier. 4 juillet, la fête à mon papa. Ah, c'est la fête de ma sœur aussi. Ah, ben, on se demande. T'as une sœur? Ben oui, j'ai une sœur. Ah, ben, ah, t'es pas belle? Es-tu ouais, belle comme toi? Non, elle est pas belle. Oh. Ah, comme toi? Ben. Tu oui, elle est très belle, ma soeur, mais elle est pas. T'es pas son genre. Ouais, c'est ça, c'est toi que ça sert. Elle aime pas les beaux grands peintres. Comment tu dis? Elle est de l'autre équipe, c'est ouais, ça? Ouais, de l'autre équipe. Ouais, c'est ah, ça. Ok. Les Red Wings? Voilà, exactement. Ah, mais tu diras que si jamais mon pénis tombe à terre à cause du cancer, quelque chose comme ça, là, ben moi, entre rester un homme sans pénis et être une hot lesbienne, ben, je choisis la hot lesbienne. Mais alors, t'es bien calme. Bon, tu resterais un homme sans pénis, tu resterais un homme sans pénis? T'as pas de pénis, là. Tu peux encore jouir, mais t'as un trou à la place du pénis. Mais quand tu pisses, tu fais quoi? Ben, ça coule du trou. OK, c'est bon, c'est Cédric Taillon qui parle de... Cédric Taillon, artiste peintre. Artiste peintre extraordinaire qui nous qu'on parle qu'on va poser des questions à, puis on espère qu'il parlera pas juste de devenir une femme. Pas juste de ça, là, mais... En tout cas, c'est important. C'est il y a Julien Bernacci. Bonjour. C'est quoi ton dossier aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai une étude comparative et mal documentée entre Tintin au pays des Soviets et Tintin au Congo. Lequel est le meilleur album? C'est assez serré. C'est, ouais, c'est déchirant. C'est ce que je t'aime. Ça va être difficile. Toi, David Sedd, c'est quoi ta chronique parce qu'on s'en fout aujourd'hui? Ben, on va parler un petit peu de où est-ce qu'on est rendu dans la Coupe du Monde. La fin approche, mine de rien. Oui, tout à fait. Puis j'ai pensé vous faire une petite définition sur le pourquoi qu'on appelle ça The Beautiful Game. Je vais terminer avec un petit exemple, une anecdote de quand j'avais été voir un match de foot moi-même, puis j'ai croisé quelqu'un qui s'en fout complètement. C'était assez à l'Impact? Non, c'était un match, une équipe de Belgique contre l'OM à Marseille. Oh boy! Hey, moi, en passant, les gars, je suis belge et ma mère est née au Congo dans le temps de Tintin. C'est-tu vrai, ça? Ah, est-ce que ça fait toi un colonisateur? La boucle est bouclée et on peut finir l'émission là-dessus. C'est ce qui conclut 70%. Ben, tu commenteras ma... Cool. Je connais rien, mais... T'as un peu l'air de Tintin. T'es mieux de t'abstenir de commenter parce que Julien, lui, il s'y connaît vraiment beaucoup. Ah, ça, oui. Il est vraiment... Tu peux pas y en passer. Tu peux pas y en passer une petite vite. Moi, je vous parle de ma nouvelle lettre de secondaire que j'ai reçue hier sur Facebook. Avant hier. Oh! T'as des jeunes de secondaire qui t'écrivent encore. Ah, je vous expliquerai tout ça, c'est assez cocasse, merci. C'est bon. Puis est-ce que tu continues ton dossier? Non, j'attends que Tommy revienne, il aime bien ça, mais je peux vous dire par la bande que je suis rendu level 99 avec Squad. Oh mon dieu, pas du temps. Ouais, fait que. Puis aujourd'hui, à Roue de Fortune. Ah, aujourd'hui, on a joué à Roue de Fortune, j'ai fait le plus gros score que j'ai jamais fait de ma vie. Ouais, au 64. Au 64, ouais. Oh! J'ai pogné le 10 000 entre les deux bankrupt. Ouais! Malade. Un grand moment. J'ai fait 38 500$, je vous sors à soir. je mettrais bien une toune, mais... Je sais pas comment ça marche, mais laisse Étienne s'en charger. Je vais me laisser Étienne s'en charger. Alors, commençons ta chronique, mon cher. Ah ouais, je commence, direct de même, là. Bah ouais, mais problème technique. On met pas une toune... Pas d'invité. Non, mais on pourrait mettre une toune. Une toune plus ordinaire, d'abord. On pourrait mettre une toune en problème technique. Ouais, est-ce que t'as des tunes qui parlent de problèmes techniques? Non, pas vraiment. Non? Okay. J'ai de la musique instrumentale qui pourrait jouer à télé pendant qu'il y a un problème technique. t'as pas un extrait du bug de l'an 2000 ou quelque chose? Non. C'est bon, mais nous donne une tune qui pourrait jouer à télé pendant qu'il y a des problèmes techniques. Ok, un instant, je vais te trouver ça. Parle-vous-vous-est-là. On va écouter mais là, ça. Ça se peut aussi que ça marche même pas non plus. Parce que c'est l'épisode spécial problème technique parce que Tommy n'est pas là. Fait que tout est possible. Est-ce que ça joue là? Non, là, ça joue maintenant là. Ah ben ça marche. Voilà. On prend une petite pause puis on vous revient. Une petite pause et on vous revient. De problèmes techniques. De problèmes techniques, voilà. Ça calme. Ça s'est super bien terminé. Ça sonnait pas comme un problème technique du tout. Non, vraiment pas. Fait que j'en prépare d'autres là, si on c'est en bon, a besoin ouais. plus tard. Excellent, excellent. Mais ça se peut que le problème technique, ce soit que je suis pas capable de faire jouer ton affaire aussi. Ouais, fait que dans ce cas-là, on va être vraiment fait. On commence tout avec les nouvelles à Bruno. Ben oui, c'est ça que je me disais. L'ancien on va y thème, aller tout de suite plaît. En nouvelles. Ouais, alors, le thème pour les nouvelles. Je pense problème que... technique. Problème technique. Non, mais là, ça va marcher puisque ça a marché ouais, tantôt. C'est ça. Problème technique. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Bam! Alors, en manchette, écoutez, ce soir, je vous parle. Le mois dernier, à Waterville, dans l'État de Washington, une fille de 17 ans a tenté de tuer son frère de 21 ans après une dispute qui a éclaté entre les deux sur la procédure à suivre pour faire du macaroni au fromage. Selon le rapport officiel, la fille était en train de préparer le mets quand son frère est entré dans la pièce et lui a demandé si elle utilisait du beurre ou de la margarine. Ils auraient alors commencé à se disputer sur les différences entre le beurre et la margarine. Le rapport ne dit pas, par contre, qui prenait pour quel bord, alors on ne saura jamais qui avait raison. la fille se serait alors emparée d'une spatule tranchante et aurait tenté de trancher la gorge de son frère avec. Oh, voilà. Pas de niaisage? Non, c'est ça, exactement. On y va avec la spatule direct. Au grand mot, les grands remèdes. Exactement. Voilà. Margarine. Y avait-tu du beurre dans la gorge? Ou de la margarine? On le saurait, ben, là, pour qu'elle... Ben, tu sais, avec ça, du beurre, c'est bien meilleur, sauf si c'est de la vaisselle. Ben, là, c'est ça. Si elle prenait pour le beurre, on peut comprendre qu'elle ait voulu le tuer, tu sais, mais là, sinon, c'est lui qui avait raison, puis... c'est peut-être ça aussi. Si ça commence avec la margarine dans la gorge, parce qu'elle l'a tué avec de la margarine sur son couteau, c'est poche. Surtout quand t'es un pour le beurre. Effectivement. Le beurre, c'est meilleur, mais tu sais, c'est moins bon pour ton cholestérol. Ouais. Puis pour ton gras. C'est des gras saturés, hein. Ça, ouais, mais la margarine aussi. Ça, non, c'est des gras insaturés. Je pense que insaturés. C'est meilleur pour. Non, c'est vrai. C'est meilleur pour tout, pour ta santé, mais c'est bien meilleur au goût du beurre. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Y a-t-il été kické hâte des produits laitiers, si je ne m'abuse? Non, mais il y a eu des chicanes sur la couleur. Il y a eu un genre de débat. Ah oui, oui. Avec la margarine était blanche. Ouais, ils ont essayé de mettre du colorant en beige à un moment donné dans la margarine. Et puis, finalement... Mais en réalité, la margarine, par défaut, est comme blanche, beige, pas de couleur. Elle n'est pas grise comme ça. Puis on met un colorant dedans pour qu'elle soit jaune. Puis à un moment donné, les producteurs de beurre, ils ne voulaient plus qu'on fasse ça parce qu'ils disaient, là, les gens vont confondre puis ils ne sauront pas, tu sais, qu'est-ce qu'ils se font filer. Ouais, il y en a un qui vient en brique puis l'autre vient dans un pot. Ouais, c'est ça. Puis il y en a un qui est tout le temps mou puis l'autre est tout le temps dur. Ouais, voilà. Mais il y a aussi le « I can't believe it's not butter ». Ah oui, c'est ça, pour ne pas dire margarine. Une deuxième, mon Bruno? Oui, une deuxième. Alors, Paul Sneddon de Palmerston, en Nouvelle-Zélande, a eu un accident de voiture et est resté coincé dedans. Il avait bu pas mal d'alcool avant de conduire. Ça, c'est ce qui explique probablement l'accident, dont il ne se souvient pas. Sneddon, coincé dans sa voiture, a alors décidé de s'ouvrir une autre bière en attendant. pas. Lorsque les policiers sont arrivés, il était encore en train de boire. Il affirme avoir commencé à boire après que son père lui a annoncé qu'il avait le cancer de la prostate et avoir perdu son emploi dans la même semaine. il dit aussi, j'ai pas d'amis, puis en tout cas, il est bien triste. Comme, exempté. Non, ah oui, il a perdu son permis pour 10 mois, ce qui l'aidera sûrement à se trouver un autre emploi. On va prier pour lui. Ouais. Et pour DJ Champion qui a le cancer du sang aussi. Ah ouais. Ouais. Puis Céline qui est enceinte. Des jumeaux. Ah ouais. C'était leur dernière chance. Le Petit Prince 2, le retour. Il va y avoir la compétition royale. Ouais. Peut-être. Ça va peut-être être un grand drame shakespearien cette affaire-là. Okay. Il va avoir des cheveux partout. Imagine la chicane pour l'héritage après. Est-ce qu'on va avoir de quoi du stuff pour la télé? Là. Ah ouais. Surtout s'il y a des jumeaux. Et puis, c'est ça. Hein, puis, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que les jumeaux en prennent la moitié? Puis Charles René prend l'autre moitié. René Charles. Non, ça va être une affaire à la Iron Mask. Là. Ils prennent un des jumeaux, puis ils Le creusent. Puis là, il y a D'Artagnan qui vient le ramasser, puis c'est ça. Là. D'Artagnan. 70% va couvrir le dossier. Ouais. c'est le 70% spécial malaise. sur le journal de Montréal, j'avais lu Céline, c'était écrit Céline enceinte de 14 semaines, j'avais lu Céline enceinte de 14 mois. C'est pas ça, c'est le double pour des twins. Ça, ben, ça se fait, ouais. 9 mois chaque. On est bien dans Céline, on sort pas de... C'est cool parce qu'on n'entendra pas parler pendant 9 mois. Ben, ouais. Me semble, je peux jamais aller, mais. OK. Ouais. Hey, Étienne Forêt, Georges. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu veux parler de musique? Parlons-en donc de musique. Fait que là, c'est ça. Moi, je suis allé pêcher au lac Saint-Jean, là, dans une rivière dont j'oublie le nom, là. Mais c'est un de mes amis qui m'a initié à la pêche. C'est la première fois de ma vie que je pêchais, là. Puis c'était toute une expérience. On est parti de même dans le bois, on marchait, là. Puis il n'y avait pas de sentier, rien. Puis tout à coup, paf, une rivière. Puis on était dans l'eau jusqu'à la terre, puis on pitchait des vers de terre, puis en tout cas, tu sais. Fait que j'ai pogné des truites, puis tout, puis voilà. Fait que là, je me suis dit, retour à la nature, tu sais, il y a des bonnes chansons à faire jouer avec ça. Fait qu'évidemment, comment ne pas parler de pêche sans commencer par l'histoire de pêche de Normand Lamour, tirée de la chanson La petite poule d'eau. Est-ce que c'est un achigan? Oui. Sur quel album, ça? Ah voilà. La petite poule d'eau. C'est sur son premier album. Ah, ok. C'est pas possible. Dans le roseau. Là, ça ressemble au pinceau dans le buisson. Ouais, ça se ressemble un peu. Dans le roseau. Dans le À Saint-Anne-de-Sorel. Dans l'île de Saint-Anne. À Saint-Anne-de-Sorel. Arroser la petite poule d'eau. Fait que ça part qu'on parle d'une petite poule d'eau. Qui garde Normand pêche. Ben, une poule d'eau, c'était dans le roseau, si je ne m'abuse. Ouais. Une poule d'eau, c'est un canard. Et puis j'avais relevé mon capuchon. Je tenais ma ligne à pêche. Je me disais s'il peut passer un achigan à petite bouche. C'est de là qu'on commence. Je vais secouer ma ligne un petit peu. Je vais branler le fer. Oh, on a passé proche. Ça me fait penser aux anciennes calottes de pêcheurs. Je pensais ça. Ça groove vraiment beaucoup, hein. C'est ouais, il compose tout, hein, lui. Oh, il compose. Il n'a pas juste pesé sur des touches au hasard sur son clavier. À petite bouche. C'est bon, ça, de la giga à petite bouche. Oui. C'est bon, c'est ça. C'est bien bon à manger. Comme moi, je pensais en même temps. Les maudites grosses bouches. À ma petite poule, je la regardais, ma petite poule. Il en est bon. On revient un petit peu. C'est quoi une poule d'eau? Je sais pas. C'est un canard. Ça se peut. Mais comme c'est pas le mot canard, fait qu'il dit une poule d'eau. C'est ça, exactement. C'est peut-être quelque chose d'autre. J'ai appris jeune le mot canard. Ben, regardez, moi, je. Il me semble que c'était le mot pour C, là, dans le livre de l'alphabet. Je suis ici sur oiseau.net, là, puis on parle du gallinul poule d'eau. Puis c'est vraiment un oiseau en soi, là. Ah, bon, ben, hein? Son vrai nom, c'est une gallinule. N'est pas ornithologue qui veut, hein? Ah, ouais, on peut-tu manger ses œufs? Bah, probablement. On peut-tu changer la chanson? Ouais, on peut-tu changer la chanson, hein? Bah, ça, c'est ça. C'est une belle histoire de pêche longue et plate, mais c'est ça. C'est comme la pêche, hein? Faut être patient à la pêche. C'est la même affaire quand on en entend parler. Par exemple, si je passe ça ici, on a Lina Primard qui nous chante l'hommage aux pêcheurs. Fait que ça, les tunes de pêche, là, ça ressemble tout souvent à ça. Hein? Juste garder celles qui sont bonnes de toutes les tunes. Oui, j'en ai enlevé. Il y a des moins toujours bonnes. La crème ici. Oui, toujours. Toujours le milieu, en fait. J'enlève la crème, ouais. J'enlève le plus pourri. Ouais, je vois. Vous voyez, c'est un petit peu dull, hein, t'sais. C'est comme. Ouais. C'est comme pêcher, tu sais. Faut être patient. Faut être patient. Puis c'est long, puis c'est pas vraiment hyper le fun, tu sais, c'est quelque chose ben à avec faire. Une petite frette avec ton chum. Ah, c'est vrai, toi, tu bois pas. Non. Je gèle la pêche plate, toi. Non, mais tu peux pas boire en même temps que tu pêches dans une rivière en marchant dans le bois. C'est pas la même affaire que dans une chaloupe, là, tu sais. OK, ouais. Hein? Tu peux, mais c'est compliqué, là. Tu sais, t'es debout dans l'eau jusqu'à la taille, puis tu marches dans la rivière dans la bouette avec ta canne d'un. Si tu veux vraiment boire, là. Tu peux t'acheter une casquette c'est avec des tanks dessus. Ah, ouais, c'est ça. Ils doivent bien vendre des flotteurs pour bière. T'attaches à ta ceinture. Ça me satisfait. Une bouée, ouais. Encore, peux-tu changer? Ouais, plate, celle-là. Y a-tu comme un bout de le fun dedans? Pas vraiment, non. Ça reste dull de même du début à la fin. Le bout de le fun, t'es au début. Ouais, c'est ça. On va se remonter le moral avec un petit dance mix. Ça fait toujours du bien, du dance mix. Je sais pas si tu peux monter un peu mon son, Bruno. Question qu'on fasse les oreilles bien comme il faut. Fait que ça, les dance mix, hein, c'est dur à faire. Fait qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Sur la pêche, surtout. Ouais, ben sur n'importe quoi. Et celui-là, vous allez le reconnaître bientôt. Hein? Ah! Ah, tabarnak! Oh, ça va. Je sens que je fais de l'AI. Okay. L'AI à la pêche. Génération passe-partout. C'est pour vous. Puis ça, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ce tune-là il y a bien, bien longtemps. Puis je le faisais jouer à Radio Cochonnerie. Puis à un moment donné, il y a un gars qui m'a écrit. Puis qui me disait, hey, ça se peut-tu que ça soit mon remix que t'as? Parce que j'avais pas le nom de l'auteur. Fait que là, j'ai envoyé, puis il m'a dit, ben oui, c'est le mien. Fait que j'ai dit, ben regarde, je vais mettre ton nom, puis là, tu vas avoir le crédit. Puis il m'a dit, non, me l'ai pas, c'est beau, laisse ça à inconnu. Oh, fait que je l'ai pas mis, puis je me souviens plus son nom. Fait que ça marchait. Ça veut-tu dire qu'il en était pas fier? Apparemment. Pourtant. Il a fait ça le soir de bras. Ça jouait à un affaire qui s'appelle Radio Cochonnerie, ça a fait que. Ça aide à pas. Comme un fière. Mix dance dark, là. Oui, c'est ça, en plus. Ouais. Hein, c'est comme un peu sombre pour Passe-Partout. Ouais, je l'ai dit que je le répète, hein, n'est pas Daniel Desnoyers qui veut. Non, c'est pas aussi facile qu'on pense. Fait que sinon, à part de ça, on n'est pas obligé de pêcher des poissons. Non. Il est possible aussi d'aller à la pêche au moule. Au moule, je ne peux plus y aller, maman. Les gens de la ville m'ont pris mon panier, maman. Les gens de la j'ai déjà fait jouer ça ici une fois, mais ça fait bien longtemps. Bruno, il avait tout chanté de la même façon. Ça l'inspire, cette année. Il a fallu que je te regarde pour voir que ça faisait pas partie. C'est vraiment hot. Mais ce qui est intéressant de cette chanson-là, pis c'est juste ça qui est intéressant en fait, c'est que c'est chanté par Nestor le Pingouin. Puis Nestor le Pingouin, c'est une marionnette d'un ventriloque. Hein? Ah, comme virus dans le temps. C'est ça, exactement. Fait que tu sais, quand il y a un ventriloque qui fait un disque, il semble qu'il y a un peu de magie qui se perd en quelque part. Je vais juste dire ça. Quand tu y penses, si c'est la marionnette qui va empêcher au moule, vraiment, elle a la pelle dans les dents. Mais c'est ça, puis est-ce que le micro est en avant de la marionnette quand il enregistre? Est-ce que la marionnette est même dans le studio? Moi, c'est ça que je me demande. Fait qu'en tout cas, voilà. C'est une de ses demandes officielles, ça, pour elle. Il faut que le micro soit en avant. Puis en plus, sur la pochette, c'est un dessin. Puis la marionnette demande des jujubes et trois bouteilles d'eau dans sa loge. Déménager de ce que c'est vraiment. C'est même pas une photo de la marionnette, c'est juste un dessin. Ouais. En tout cas, il ne reste plus grand-chose. Non, il ne reste plus grand-chose déjà? Non, il ne reste plus grand-chose dans cette chanson-là. OK. C'est comme, voyons. Mais j'ai une version beaucoup plus intéressante de la pêche au moule-moule que j'ai trouvée aujourd'hui et que j'ai acheté pour vous 4,99€ pour pouvoir l'avoir ici aujourd'hui. Ah, wow. C'est rare que je dépose l'argent comme ça. On va écouter l'autre version. On va écouter l'autre version qui s'appelle, c'est de Keen V, qui est un rappeur français. Écoutez bien ça, c'est bon. Okay. La pêche au moule-moule. Keen V on the mic, yeah. Yo! À la pêche au moule, je veux y retourner maintenant. Les jolies jeunes filles veulent que je leur fasse du rentre-dedans. Les jolies jeunes filles veulent que je leur fasse du rentre-dedans. On écoute ça au complet, celle-là, puis on se fait un plan de match. On pourrait certainement faire ça. Ok. Je ne perds pas une minute en attendant de la culpité. Je lui pète de la discute pendant que je lui mets de la pommade. Une complicité débute alors je repasse à l'attaque. Et je n'ai pas perdu de vue mon but. Je l'invite à prendre un verre, elle me dit oui ça peut se faire. Alors je ramène chez moi pour une partie d'autres gens en l'air. Et je te laisse moi mes scènes. Si tu veux que je vienne te satisfaire, c'est KO3NVA@ ou te mets le point fr. À la pêche au moule, je veux y retourner maintenant. Les jolies jeunes filles veulent que je leur fasse du rond dedans. Veulent que je leur fasse du rentre-dedans. À la pêche au moule, je veux y retourner maintenant. Les jolies jeunes filles veulent que je leur fasse du rentre-dedans. Les jolies jeunes filles veulent que je leur fasse du rentre-dedans. Et dès le lendemain, je mets en place là-bas pour danser toute la nuit. Je mets en cause ça sympa. Je m'approche d'une fille pour la voir y a qu'un pas. Ça y est, je l'ai franchi, ça va, elle me craint pas. C'est une charmante demoiselle qui ne fait pas des ailes. Je lui demande son tel, elle me le donne tel quel, qu'elle est belle et sensuelle. Elle a sa conversation pour faire l'intellectuel. Elle me dit en général, est-ce que tu hésites? Quel est ton style de femme? Dis-moi ce qui t'excite. Je lui réponds qu'elle soit blonde, brune, grande ou petite. L'important, mais je sais qu'elle sache servir de ma bite. La chat illico, c'est pourtant pas compliqué. Nul besoin d'hélico pour la faire décoller. La mi suit la mélo, un texte olé olé. Ensuite on jette un os, c'est pas le moment d'appliquer. Sur la chat illico, c'est pourtant pas compliqué. Nul besoin d'hélico pour la faire décoller. La mi suit la mélo, un texte olé olé. Ensuite on jette un os. À la pêche au moulin, moulin, moule de vin. Il retourne maintenant. Les jolies jeunes filles, filles, filles veulent que je leur fasse du rond dedans. J'arrête. La prochaine fois que je trompe mon chum, je vais écouter 70% ou pas. Pour passer à moi. Ah, c'est la fille qui avait trompé son chum avec moi. Exactement. Tu as eu des nouvelles d'elle? C'était Madame X. Non, non, elle s'est faite domper. Ouais, je sais pas pourquoi. Elle m'a compté ça. Ouais, ouais, t'as compté ça, tu l'as vu? Ouais, le soir de la Saint-Jean, quand j'étais sur le sirop. Ah. Hein? Moment fort approprié. Ouais. Voilà. Donc, salut Cédric. Salut, Zé. Cédric Taillard, notre ami artiste peintre avec qui je fais des peintures des fois puis qui les échange après. Ouais. Oui. Hey, j'ai amené une toile de Xavier Landry. Vous pouvez la voir à la maison. Ouais. Ouais. Voilà. Hein? Hein, flash. Ah, très belle toile. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez appeler au numéro qui apparaît dans le bas de votre écran. C'est ça. C'est le même que je roll. Tu es venu nous parler un peu, t'as fait ton vernissage jeudi, ça s'est passé moyen? C'était... Ouais, c'est cool. Ah, ouais. Ben, parle-nous des coupons cool, de bière. Ouais, ben, j'avais ben de la bière, ouais. 50 coupons de bière, c'est ça? Ah ouais, on m'a donné 50 coupons de bière. C'est-tu le fun, là, pour tous les artistes, là, de Montréal, là, au Café Cœur, c'est le meilleur deal. Ils prennent 0% sur vos toiles, ils vous donnent la bière si vous faites un petit show, puis... c'est bien le fun, là. Ils ont des beaux murs. Puis, sauf qu'on s'entend que c'est quand même une place un peu de marde. C'est un peu weird, ouais. C'est un peu weird, la vibe, mais je veux dire... Ben, journée, avec 50 tickets de bière puis un mois gratis, c'est mûr. Il n'y en a pas de problème. T'en as-tu déjà vendu une? Ben là, je viens d'en échanger une. Ouais, que j'avais faite avec toi. Ouais. Sans mon consentement. Ouais, t'as été gâté à ta fête quand même, là. Ouais, on c'est vrai. Quitte. On va refaire, on va triper cet été sur un autre projet artistique. Ouais, ouais, tu veux dire, mais qu'on fasse de l'AI. C'est ça. Puis ouais, ben c'est ça, là. Qu'est-ce qui se passe à Montréal en or, là? Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume Lepage, sur ses murs? Je sais pas. Mais pas moi. Fait que faut que le monde économise l'argent. C'est où que t'exposes pis... aussi, des fois? Ah, à l'usine sans issue sur Roy. Ouais. Hein? Ça, c'est une belle place. Puis, ou d'autres. Ben, à l'usine C en septembre, j'espère bien. Ça va être un beau show, un peu plus classique que dans un bar de métal. Ça va être juste toi aussi, peut-être? Ouais, ben, puis si on collabore encore, là. Ben ouais, pour que tes échanges encore. C'est ça. Non, non, ça va être perpétuel jusqu'à temps qu'on crève. Puis. Ok, cool. Ça. Ouais, c'est bon. voyons, t'as commencé à peindre vraiment récemment, dans le fond, là. Ah ouais, ça fait 4 ans, là. Ça fait 4 ans? Mais sérieusement, là. T'es-tu désamélioré? Ouais, ben ça arrive avec tout le monde, là. On peint mieux quand on est jeune. Puis c'est pour ça que Picasso, il a fait l'inverse, là. Il était il est super bon. super bon tôt, puis après ça, le reste, ben il a travaillé à revoir cette innocence. Pas cette innocence-là, une naïveté. T'as ça, toi, dans tes affaires. C'est ça qui est magique. Ah, ben oui, merci. On se lance des fleurs. Ben 70%, on se lance des fleurs. C'est incroyable. Ben, dis donc ce que t'en penses, toi, Étienne Forêt, parce que Étienne, c'est, ben moi, c'est un client. Oui, je t'ai acheté une toile récemment. Un fier détenteur de Cédric Taillon. Oui, ouais. Tout à fait. Puis ça trône là, dans mon bureau, là, dans le sol. Puis écoute, tout le monde est super jaloux. Là. Ma blonde veut toujours pas qu'on le mette dans la chambre. Là, tu dis, ça a parti une grosse discussion sur Facebook. Ouais, là. Ouais, ouais, ouais. Ça, mais c'est... bon, c'est en fait, c'est Crotal le barbare avec les pénis dans les mains, la fameuse épée en forme de pénis que Bruno a gagné au Un an de douteux. Puis qui a été peinte par toi aux deux ans de douteux live. Improvisé, là. Je suis arrivé, puis on a pensé à ça. Mais ton Flo, c'est le 10e enfant qui va grandir avec un Cédric Taillon sur son mur. Ouais, ouais, il était extrêmement content. Il est content? Toi, t'as pas peur qu'il voie un pénis? Hein, non. Ben non, parce qu'une de ces... Il y a une photo de lui avec les pénis dans les mains pris à la foire l'année passée. Ah oui. Il la trouve bien cool. Il trône une vraie épée, Chris, man. C'est fou, là. Moi, j'aurais voulu avoir ça quand j'avais 10 ans. Ah ouais, non, il était bien content de... Jouer à la guerre avec ça, là, tu gagnes. Ben, c'est sûr. Excuse, mais je gagne, là. Fait que quand je suis revenu du brouhaha avec ça dans les mains, j'étais allé le réveiller pour y montrer. Par contre, j'ai fait attention de ne pas montrer la peinture à sa petite gardienne de 13 ans. Là, ça, ça, c'est différent. D'un coup, sa mère travaille avec ma blonde. En tout cas, ça va être compliqué. Là, hey, mais moi, Bruno, en fait, je vais... J'ai ramené ça dans Photoshop, cette image-là de la toile, puis j'ai commencé à peaufiner ça un peu, puis j'ai trouvé j'ai modifié le font de Conan le barbare, genre. Ah, c'est voilà. Crotal le barbare et la puissance des pénis. Mmh. Puis, c'est le cover d'un mini-roman, là, puis j'aimerais ça que tout le monde envoie... Écrive un chapitre. Ouais, la gist, c'est que c'est un demi-dieu, son père était... était le dieu de la testostérone, puis il a fourré une normale... Une mortelle. Voyons encore, c'est bien puis, ça. Puis là, après ça, genre, le monde s'est fait prendre par des grosses féministes fuckées, là, puis c'est... In a world ruled by bitches. Okay? puis Crotal, c'est un espèce de guerrier serviteur sexuel, là. Puis il s'enfuit un moment donné, puis il va retrouver le corps de son père, puis il chope la queue, puis il en fait une épée. Hein? C'est vraiment une histoire facile. Là, je jette ça dans le monde. Puis avec les pénis, tout le monde en vient plus, contribuer. Ça amène une toute autre... La puissance des pénis. Vends-nous donc un peu ton show avant qu'on te ferme la gueule. C'est ça, 10 toiles, là. 10 toiles, là, sur les murs du Café Chaos. Là, on peut aller les voir n'importe quand. N'importe quand. Des petites frettes à 2,50 l'après-midi. C'est ça! C'est une belle petite place, belle petite terrasse. Puis, ça ressemble à quoi, l'étoile que tu exposes là-bas? Ça s'appelle Incoherent Nonsense, Random Paintings by Cédric Taillon. C'est donc un peu de tout. Ouais, puis ils m'ont censuré. J'ai été censuré. Par le Café K.O.? Par le Café K.O., non seulement par eux, mais par Facebook en premier. Ouais, mais ta toile avec les 12 filles, dont... Ben oui, 13. 13, ça fait combien de boules, ça? Ça fait 26 paires de boules. 26 tatons. Ah, ouais, 26 tatons en tout. Ouais. 13 paires, 26 tatons. Mais il y en a plus que ça. Il y a les boules à Tia, puis il y a une fille Sully qui se montre une boule aussi. Fait que ça fait 27, 28, 29 boules. En tout, dans l'exposition. Si vous aimez les boules, ça vaut la peine d'aller au Café K.O. ce mois-ci. Ouais. Puis il y a des petits posters un peu partout, mais ils sont censurés pour voir la toile en vrai. Il faut rentrer dans la place. Ah oui, à ce point-là. Non, pour vrai, là, Facebook, moi, j'ai arrangé cette toile-là, je l'ai fait plus grande pour qu'elle fasse un poster, tu sais, dans Photoshop. J'ai mis le beau titre, puis tout. Puis je sac ça sur Facebook, j'envoie mes invites, puis le jour d'après, ils ont délité mon poster, puis ils m'envoient un email pour me rappeler que les terms of use, puis blablabla, puis qu'il y a des enfants qui prévoient ça. Mais sacrément, c'est une vraie peinture à l'huile, là. C'est comme... Ça se trouvait pas encore sèche. C'est pas supposé qu'il faut être majeur. Je me suis censuré moi-même pour cette peinture-là. Là. J'ai pas peint les vagins. OK? double censure. On sent que tu t'es retenu vraiment avec difficulté. Vraiment. Ouais. 29 boules, 15 vagins. On peut les acheter là-dedans à part celles que j'ai reçues. En fait, j'ai parlé avec Cédric tout à l'heure, puis la raison pour laquelle il a pas peint les vagins, c'est pas de l'autocensure, c'est parce qu'il sait pas comment peindre un vagin. Il a pas encore vu de boule. Modèle quelqu'un. Hey, c'est vrai, j'ai-tu peint un vagin, moi? Je sais pas, mais demande à une fille de poser juste son vagin. T'sais. Ben, ça avait été une grosse controverse. Et là, je viens de perdre le nom là, Ben, si tu tapes vagina painting dans Google, c'est sûrement la première. Je sais pas si tu voudrais quelque chose, si tu tapes vagina. Ben oui, c'est juste. Ouais, non, c'est ça. Ouais, t'es mieux de pas taper vagina dans Google. Ce qui est dans l'Internet reste dans l'Internet. C'est-tu Shigeko Kubota? Peut-être, mais c'est un artiste japonais. Ouais, non, c'est... Clique pas, des japonais. Non, des japonais puis des vagins, man, c'est pas une bonne idée. Ça me semble que ça fait pas. Il va sûrement avoir une tentacule en quelque part. En tout cas, ça revient vraiment beaucoup Kubota. Mais donc, on vous invite à aller voir les peintures de Cédric Taillon, c'est du sweeper et puis en acheter. Parce qu'il y a de la boisson. Puis en acheter, j'ai faim. Tu vends ça combien, une peinture, mettons, tu sais, mettons, une peinture, genre, ordinaire, là, tu sais, là, une peinture comme, tu sais, normale, là, que t'as vends combien? Ça range de... Ben là, je peux te faire un petit dessin sur une napkin, puis tu peux... Non, je veux savoir comment. au Café Chaos, présentement, ça, je pense que c'est de 5,50 à 2000... 2 ou 2003, quelque chose comme ça. La grosse avec les 10 femmes, il faut que ça soit en haut de 2000. Moi, j'ai mis 100 heures de ma vie là-dedans. Là. Fait que, en comptant les matériels, je fais pas grand-chose si j'avais en 2000. Là. Ouais. Fait que, c'est ça, là. Fait que... D'accord. Fait que, finissez ça, là, parce que moi, j'ai plus rien à dire. Ben, c'est bon. Moi, ça me rappelle une anecdote, personnellement, ton affaire de peinture de vagin, là. Mon fils, justement, dont on parle, était très curieux de savoir de quoi ça avait l'air un vagin, tu sais, puis il me posait bien des questions t'es là-dessus. Tu es obligé de répondre. Ben, moi, je me dis, s'il me pose la question, j'y réponds, tu sais. Fait que là, je dis, ben, regarde, je vais t'en dessiner un. Non, j'ai pas appelé Cédric Taillon. Montrer le lien. Vite, à la Taillon mobile. j'ai allumé le Taillon Signal. Puis, non, mais j'ai dit, regarde, je vais aller sur Internet, puis je vais en trouver une photo, là, un gros plan, puis tu vas pouvoir voir, puis tu sais, je vais t'expliquer anatomiquement parlant c'est quoi. Puis là, il me dit, ouais, mais là, penses-tu que tu vas en trouver, papa, sur Internet? Avec toute l'innocence d'un enfant de 8 ans. Ah, c'est beau! Fait que j'ai dit, ben, je sais pas, mais je devrais être capable de me débrouiller, là, vu que j'ai beaucoup d'expérience dans les recherches sur Internet. Puis, et voilà. Alors, la réaction était? Ben, finalement, il était bien content de voir de quoi ça avait l'air, là. Puis, okay. Ouais, mais maman a pas voulu montrer. Non, c'est ça, ça mettait un peu mal à l'aise d'y montrer le sien, tu sais. Fait que je vais en trouver un autre. Il l'a vu, là. Ouais, il a passé dedans. Il a passé dedans. Je veux dire, qu'est-ce qui est sorti de sa bouche à ton flow quand il a vu ça? Là, je veux dire, tu dis, ah, c'est beau? Non, il a pas parlé beaucoup. Il a plus comme observé puis écouté ce que je disais. Là, puis là, la semaine prochaine, si t'approches puis dis, papa, j'aimerais ça toucher un vagin, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben là, ça va être. Tu vas aller checker sur Internet. Il y a sûrement moyen. Commander un sur Amazon. Ouais, c'est ça. Sur Rochelaga. Non. Je vais dire, t'en parleras à ta gardienne. Donc, on passe à quoi, là? Ben, Julien Bernatchez. Ah, okay. Ah oui, j'ai très hâte. Tu sais que c'est ma chronique préférée à 70%, non, Julien? Non, je ne sais pas, pourrais. Ouais. Merci beaucoup, Israël. C'est très, très flatteur, en fait. Et puis là, j'ai presque fini de l'écrire. Ouais. T'as un thème, en plus, cette semaine? J'ai un thème cette semaine, effectivement. C'est mon ami. Je l'avais même préparé. On va l'écouter, après ça, je vais dire c'est quoi. Mais... D'accord, c'est bon. Fait que je vais partir sur... J'espère que ça fonctionne. Là, ça a été composé sur la scène. Wow. Fait que c'est ça mon... Hey, la prochaine ton fois excellent joue, thème. Tu mets les lumières ici, puis voilà. Tu mets les ouais. Ah, je vais répondre au téléphone. Attends un petit peu. Excuse-moi, oh. Julien. Non, vas-y. On a des c'est quoi, là? Ouais, c'est Fred. Ouais, c'est ça. C'est ça. Me semblait bien. Raccroche donc. Ouais, mais là, non, raccrochez pas, s'il vous plaît, là, parce que là... Ouais, je sais pas comment dire ça, là, mais là, je t'entends, là, pis j'utilise mon seul appel pour vous appeler en onde, là, raccroche pas mon tabarnak. Ça fait plusieurs fois que ça t'arrive, ça, Simon. Ouais, je sais bien, là, ils connaissent, fait qu'ils veulent pas me laisser sortir, là. Là, c'est pas mal exprès, là, c'est encore la style Nathalie Simard à la marde, là. Qu'est-ce que c'est qu'elle a fait encore, ben, en fait, j'ai vu encore un article sur la traite protubérante, là, pis j'ai pété une coche. Je me suis dit que ça en était assez. Je suis débarqué chez Nathalie Simard dans le but de, ben, tu sais, tondre son gazon, mettons, là, tu sais, disons lui couper l'herbe sous le pied qui lui sert de face. Tu veux dire? Anyway. J'ai entendu le bon moment chanter par effraction, sauf que je me suis fait prendre tabarnak. Quand les gardiens de sécurité m'ont pogné, j'étais en train de chier ces photos de famille, pis j'avais mangé ben ben des bleuettes, des betteraves, mettons, là. Fait que là, j'ai mangé une calisse de volée, je te jure, pis comme pour faire exprès, si le bon sir, c'est un Chris de Guyenne, tu bol. Fait que là, le Chris s'est arrangé de me faire mettre en cellule avec un maniaque sexuel fit. Résultat, si mon rectum doit rester vierge, je peux pas dormir. Là, si je pognais ici pour un petit bout, là. C'est une minute, gros, il y a chute de la peste! Oi, oi, ça va long, là, excusez, c'est perdu, c'est nerveux, là. On va voir que je quitte, là, mais c'est ça, là. Ça se peut que ça prenne du temps avant que je puisse sortir du site, fait que je serais peut-être pas là pour une couple de semaines. Mais là, là, si, mais j'ai commencé, si. Le monde va tourner sans moi, là. J'ai confiance en vous, là. J'ai réussi à la pogner, la calice, à un moment donné. La petite Nathalie Simard en marre de calice, de sacrament de ski. Grosse salope en manque d'attention. Va y arracher les yeux avec mes dents. Va la lancer d'une piscine de punaise. M'en va la frapper avec un tison de ce qu'elle m'appelle, maman. Va te brûler sur le bûcher, mon distorsière. Va dire rétro, satana! Va dire rétro, là! Simon Preff, ah, voilà. Voilà. Alors, il était là tout ce temps. Oui, voilà. Il était censé. Je me demandais pourquoi il n'était pas venu au bowling. Ouais, ça. Il était censé être ici ce soir pour nous parler du film, mais finalement, ça n'arrivera pas. Ben, je vais en parler un peu. Oui. Julien Bernatchez. Ah oui. On va revenir à toi parce qu'on t'a rendu à toi. Attends, ouais, attends, ben ça. Attends, Julien, je pense que t'as un thème hein, maintenant. Ouais, j'ai un thème maintenant. Ça, ouais, c'est ça. Semaine, attends, c'est nous cette semaine. On va l'écouter. On va le mettre. Faudrait que tu demandes à tout le monde qui nous écoute de fermer les lumières, faire quelque chose avec leur ambiance pour ton thème quand ton thème passe. Ouais. Voilà, c'est la semaine prochaine. Alors, je remercie Guillaume Sigouin, le chanteur de Sabot Trio, qui m'a. J'ai demandé ça, de me faire une chanson thème avec pas beaucoup de directives, à part que ce soit inquiétant puis que. Ça annonce pas vraiment que ce soit une chronique BD. C'est ça, qui... ça a bien marché. Bon, ce soir, je trouve que ça a donné. Puis je le remercie. Merci beaucoup, Guillaume. Très, très bien. Merci, Guillaume. Merci, Guillaume. Merci, Guillaume. Allô, Guillaume. Allô. On le salue. Hein, on a des licences Centra. Tout le monde à la maison, on salue Guillaume. Ouais, on salue tous les autres Guillaume aussi qui nous écoutent. Non. Guillaume, c'est le nom de la semaine. C'est le Guillaume, le chromosome, oh non, c'est pas ça. Non, c'est pas lui, non. Alors, c'est une étude comparative et mal documentée entre Tintin au pays des Soviets et Tintin au Congo. Quel est le meilleur album? Alors, jeune, je lisais religieusement Tintin, puis je m'empresse toujours à dire aux filles que je rencontre que je suis un tintinologue de première classe. tant qu'à moi, les deux meilleurs albums de Tintin, c'est les deux premiers. Après ça, c'est juste une pente, là, après ça, qui est descendante, bien sûr. Seulement, pas un pic, là. Non, ben bah, oui. Non, oh. Déjà, ça drop vite, là. Ah, ouais. Tintin au Picaros, là, c'est... Puis, mais seulement, lequel choisir? C'est lequel le meilleur des deux? Fait que, tant au niveau de l'histoire que du dessin, c'est du grand art. Fait que, d'abord, l'excellent Tintin au pays des Soviets. Cette première aventure est une critique virulente du régime bolchevique et communiste. Il s'agit d'une œuvre à part dans l'univers des aventures de Tintin, témoignage de l'apprentissage d'Hergé. Il comporte plusieurs maladresses sur les plans graphiques et narratifs. Le dessinateur n'ayant pas disposé d'une assez bonne documentation. Hergé lui-même qualifiera cette histoire d'erreur de jeunesse et souhaitera qu'elle ne soit pas considérée comme faisant partie de la série. Cette histoire sera donc la seule à rester dans son format original en noir et blanc et ne fera pas l'objet de diverses adaptations, contrairement aux autres aventures de Tintin. Avec ça, la seule expérience qu'Hergé avait auparavant, c'était le fascinant Totor, chef des patrouilles des Hannetons, de 1926 à 1929, précurseur de Tintin, c'est Totor, Tintin. qui n'a pas pris une ride. Je ne sais pas si en Belgique on lit encore ça. Cédric Totor, chef de patrouille des Hannetons. Je sais pas, moi je pense juste à Toton quand tu me dis ça. Tu penses au Toton? Ouais, Totor. Imagine une œuvre avec 27 Totors dessus. Je sais pas si ça serait censuré. Ouais, je sais pas. Là, 27, il y a un problème. Là, y en a une. Est-ce que deux Totons, ça leur était correct, supposons, puis c'était le nombre de Totons? Non. C'est dès qu'il y en a un. Sors de ta traque, Julien. Ouais, c'est de ma faute. Là, ben alors, Totor puis Toton. Fait que, bon, alors, l'histoire rapidement de Tintin au pays des Soviets, pour se faire un petit rappel. Au temps de l'URSS de Staline, le reporter Tintin et son fox terrier Milou sont envoyés à Moscou par le petit 20e. Moscou est devenu un bourbier infect, d'après l'album, et Tintin constate que les dirigeants soviétiques forcent ses habitants aux communistes et que seuls les communistes parviennent à sortir de la misère. Tintin s'engage dans l'armée soviétique pour mieux en comprendre les manœuvres. Il s'enrôle au moment où son régiment va voler le blé au Koulak, les paysans riches, à des fins de propagande. Tintin réussit à cacher le blé, mais est condamné à mort. En s'échappant, il s'enfonce dans les régions polaires où les péripéties se succèdent. Il entre dans une cabane hantée, que ça va être un repère secret, il s'enfuit en avion. Puis rendu à 136 pages, ben là, il essaie de retourner en URSS, mais sa voiture dérape et il est projeté dans une fenêtre dans un train qui l'a reconduit chez lui à Bruxelles. Où il accueillait un héros. On se rappelle qu'à l'époque, c'était publié comme 2 pages par semaine, puis Hergé ne savait pas ce qui allait arriver la semaine suivante. Un peu comme nous autres. Puis à un moment donné, il s'est dit à un moment donné, retourne chez vous. Bon, c'est comme, oh fuck, ça fait un bout de ça. Oh, comment je finis ça? Ben voilà. Fait que, somme toute, Tintin échappe à la mort plusieurs fois, de façon de plus en plus loufoque et tiré par la houppette. C'est donc une suite de gags qui ont mal vieilli, puis de la propagande anticommuniste. Puis à un moment donné, Hergé réalise, je me répète, pardon. OK. Ensuite de ça, c'est ça, à l'époque, c'était l'abbé Wallaise, le rédacteur en chef du Petit 20e, le journal d'Hergé, qui lui imposait cette destination. L'abbé, politiquement très à droite, compte sur ce reportage, entre guillemets, pour dénoncer les méfaits du communisme. Fait que c'est l'idée d'un prêtre, tout ça, puis on sait que les prêtres sont toujours des gens très créativement intéressants. Oui. Notons aussi qu'on sait tous que Tintin est reporter, mais c'est en fait le seul album où il fait un reportage. Fait que... Ouais. C'est ça comme ça. Fait que, c'est aussi un des 3 albums où on peut voir Tintin chaud. les autres étant l'oreille cassée, le crabe aux pinces d'or. Fait que, c'est... Puis ces 2 fois-là, c'est pas de sa faute. Hein? Je les ai pas lus. Fait que je... Non, je les ai lus jeunes, mais ça me. En tout cas, mais Tintin chaud, ça te starte un party. Fait que, Caché Nestor. aussi, ensuite de ça. Moi, je me disais que ce serait peut-être une bonne idée si c'était tout le temps des prêtres puis des abbés qui rédigeaient les scénarios de BD. on aurait pu avoir des chefs-d'œuvre comme, Astérix contre l'avortement, dans lequel Falbala se fait violer par des Romains sous, mais Astérix veut quand même qu'elle garde le bébé. Ce serait un bébé né du mal, qui serait malheureux toute sa vie, qui s'avère être l'antéchrist. Ou Lucky Luke, pédophile homosexuel refoulé, dans lequel Lucky Luke est un pédophile homosexuel refoulé. Ou les Schtroumpfs passent la quête, Boulet Bill se confesse, Mafalda récite ses cantiques, Théodore Poussin, la chorale du dimanche, l'enfeuse de Troyes fait sa première communion, Paul rencontre Zachée dans l'arbre. Il y a pas mal de scénarios possibles. C'est infini. Bon, voilà. Je ne vois pas en quoi... J'ai eu de la misère à trouver 6 jokes avec ça. Je ne vois pas en quoi cet album serait une erreur de jeunesse. C'est de loin le meilleur, à mon avis. Il est décousu, déroutant, aucunement documenté. Ce sont des choses extrêmement importantes pour moi. En fait, c'est carrément la structure de mes chroniques BD. moi-même, je m'assure avant chaque chronique de ne jamais me documenter, ce qui pourrait influencer mon opinion avec des faits. On veut pas que ça aille. Ben, c'est ça, non, évidemment. Fait que, pour créer Tintin au pays des Soviets, Hergé n'a pas eu le loisir de visiter le pays dans lequel Tintin est envoyé, ni de s'inspirer d'une documentation abondante. Il s'est en fait influencé d'un seul livre, Moscou sans voile, un livre poche de propagande qui serait normalement tombé dans l'oubli. Ben, moi, mon Moscou sans voile, c'est Wikipédia. Puis le pays que j'ai pas le loisir de visiter, c'est la bibliothèque. Alors, je réalise donc au fil d'introspection ridicule et inventée de toutes pièces que Tintin au pays des Soviets a une énorme influence sur moi. Ce qui m'amène à parler du deuxième meilleur Tintin, Tintin au Congo. Quand on demanda à Hergé en 75 ce qu'il répond aux gens qui le traitent de raciste, il répond « Toutes les opinions sont libres ». Ben moi, mon opinion, Hergé, c'est que t'as fait de la maudite bonne job. Personnellement, Tintin au Congo, bravo. En 2007, la controverse liée à les stéréotypes revient d'actualité dans l'album suite à un avis de la Commission britannique pour l'égalité des races qui juge la bande dessinée raciste et demande de la retirer des librairies. Finalement, elle devient une BD adulte en Angleterre, puis la médiatisation de l'album s'est fait monter les ventes de l'album de 4000%. Fait que, bien joué. Évidemment. Est-ce que tu es en train de dire qu'on est raciste? Ouais. Mais il y en a eu une version censurée, me semble, qui était. Dans bon goût, pas raciste. Plusieurs versions. Influençable. Ouais. Ils ont réécrit certains bouts là, pour que ça soit un peu moins pire, me semble. Ouais, un peu moins pire, mais ça. Mais ça reste que bon, ils peuvent pas redessiner. Là. Ben, celui-là, je l'ai relu cet après-midi, puis. Tabarouette. c'était pire que je me souvenais. La même année, un Congolais étudiant à l'Université libre de Bruxelles dépose plainte pour racisme et demande que l'album soit retiré du commerce. Monsieur Bienvenu Mumdoutou Mondondo, dit qu'il n'est pas admissible que Tintin puisse crier sur des villageois qui sont forcés de travailler à la construction d'une voie de chemin de fer ou que son chien Milou les traite de paresseux. Ben, moi, j'aimerais ça que Milou me traite de paresseux. J'aurais aucun problème avec ça. Mais bon. Ben voyons, là. Tintin au Congo. Dans Tintin au Congo, on voit entre autres... c'est super bon. On voit Tintin donner des coups de pied à un léopard affaibli. Faire exploser un rhinocéros avec de la dynamite. Ouais, un broquin. Oui, voilà, effectivement. Tuer et dépecer un singe et se servir de sa peau comme costume. D'ailleurs, l'ami de Tintin, Monsieur Coco, le voyant déguisé en gorille, mais comme, tu sais, pas la tête. C'est comme la tête de Tintin qui sort d'un gorille. Saute dans les airs et dit « Sans mauvais, ça y en a singe parlant, il a mangé Tintin ». Sinon... Je sais pas ce qu'il pourrait avoir de raciste là. Ben, qu'est-ce qu'il y a de faire ça là-dedans? Sinon, ben, il tue un serpent, une girafe, et aussi, il dépèce aussi la girafe pour servir de sa peau comme un costume pour aller observer les autres girafes. Fait qu'il fait pas juste tuer, il observe aussi. Pour vrai, là, ça ressemble aux histoires de mon grand-père du Congo. Là. Ah ouais? Ah ouais, total. Des serpents. Mon grand-père a déjà dépecé un singe, on a servi de sa peau pour aller observer. Non, mais genre, il y avait sept chiens de chasse, puis ils sont partis disparus, puis là, genre, il a suivi la trail, il y avait un trou, puis il y avait un gros bois, puis il l'a shoté, puis il a ouvert, puis il y avait ses chiens en différents états de décomposition. On a Tintin au Congo, comment il tue le serpent, c'est qu'il fait manger sa queue. Oh! Mais je sais pas si on peut vraiment. Ouais. Si mon grand-père avait pensé à ça. Fait que dans le fond, à la fin, il implose, tu sais. C'est que Tintin quitte les lieux, que le serpent, en tout cas, c'est dur à expliquer. Il est comme malade d'indigestion à la fin parce qu'il a trop mangé de lui-même. Ouais, c'est ça. Il est comme rendu tout petit, un petit bang, là. C'est beau. Il est malade. Ça veut dire qu'il s'est malade, puis il s'est rendu un bout. Ouais, puis il se vomit dessus, puis je suis dedans. Sinon, rapidement, il assomme un buffle, il réalise une hécatombe de gazelle. Dans la version censurée en Suisse de 1946, il coupe le bout où il tue un rhinocéros à la dynamite, mais le reste, ça passe. Aussi, un autre changement, dans la version de 1930, Tintin, il n'y a pas de bouche, ce qui aurait peut-être causé moins d'ennuis s'il avait gardé ça. À part ça, Tintin aide les gens du village avec leurs problèmes, comme deux messieurs un peu simples d'esprit qui s'ostinent sur l'appartenance d'un chapeau. Finalement, Tintin s'improvise roi Salomon et découpe le chapeau en deux, faisant deux moitiés de chapeau brisé, solution qui plaît à nos deux amis. Qui répondent « Lit blanc, lit très juste, lui donner à chacun moitié de chapeau. » Les deux repartent avec une moitié de chapeau pété sur la tête, là, puis c'est correct. Aussi, dans la version originale, Tintin enseigne dans une classe une leçon de géographie, parlant de la Belgique, leur patrie. Mais dans la version censurée, c'est remplacé par une leçon de mathématiques. Il leur explique que 2 plus 2 font 4. Fait que, on voit qu'on les estime beaucoup plus. Hein, mais c'est du égal à égal, genre. Tu considères que c'est aussi... Ben, c'est ça, tu sais, ouais. Il remplace ta patrie, c'est la Belgique, par 2 fois 4, c'est comme... Ben, c'est que c'est neutre. Ça, c'est la vérité, égale... Non, je pense OK, ouais, je vois ce que tu penses que tu veux dire. Ouais. Tu finis d'être belge congolais. Ah, come on! Mais non, ça ajoute beaucoup, moi, j'adore mais ça. Mais ouais, c'est ça, là, c'est... Je l'écoute pas parler. j'adore ça. Faut noter, dans l'album, les Congolais parlent avec une syntaxe plus qu'approximative, mais par contre, les éléphants et les singes s'expriment en excellent français. Okay, quand même. Aussi, Tintin, cherchant son chien, voit un Congolais de dos et pense que c'est un enfant, parce que c'est son petit, mais le gars se tourne puis il réalise que c'est un vieux, il s'exclame « Sapristi, ce n'est pas un enfant, c'est un vieux pygmée! » le vieux se sauve effrayé. Et en dehors de ça, autre moment édifiant, rafale, le Congolais, ne sachant pas c'est quoi le cinéma, lance leur lance à l'écran. Ils pensent en écoutant un disque que la personne est dans le tourne-disque et élise Milou comme roi aussi. Fait que pourquoi interdire Tintin au Congo quand moi je pense que c'est un des meilleurs? D'ailleurs, dans la revue Zahir du 29 décembre 1969, il publie l'album et avec un avertissement au début, il y a une chose que les Blancs avaient arrêté... Pardon... Il y a une chose que les Blancs qui avaient arrêté la circulation de Tintin au Congo n'ont pas compris. Si certaines images caricaturales du peuple congolais font sourire les Blancs, elles font rire franchement les Congolais parce que les Congolais y trouvent matière à se moquer de l'homme blanc qui les voyait comme cela. Mmh. Voilà qui est tellement plus sage. Ben voilà, c'est ça. Fait que je pense que ces deux albums-là n'ont pas été adaptés en dessin animé, c'est les deux seuls, parce que les autres albums en ont peur à cause de leur flagrante supériorité. D'après moi. Je crois que Spielberg devrait adapter, plutôt qu'adapter Le Secret de la Licorne, qui sort à Noël 2011, il aurait dû plutôt adapter l'intemporel Tintin au Congo, qui aurait fait un bien meilleur film. Et je conclurai en disant que c'est définitivement déchirant de choisir entre les deux laquelle est supérieure, mais ça serait Tintin au Pays des Soviets, de peu, parce que c'est le plus décousu et le plus amateur des deux, puis que Tintin, il est sous dedans. Mais en tout cas, les deux sont définitivement dans le top 24 des meilleurs albums. Je disais aussi que mon dossier comparatif ne comprenait aucune comparaison. Merci Julien. Avant de finir ça, direct de même, là, dans tes noms de bande dessinée religieuse, Boule et Bible. Oh. Excellent. Ah ouais. Boule et Bible. Boule et Bible. Garfield haït les lundis, mais aime les dimanches. Ah ouais, ouais, c'est vrai, ouais, ouais, ouais. Spirou. lis la Bible. À la confère. Spirou se fait faire une spip par son enfant de cœur. Ouais, ouais, c'est ça a été une grosse journée pour tout le monde, c'est ça. Fait que courir à la bibliothèque la plus proche. Ce que tu ne fais pas. Ce que je n'ai jamais fait. Là, comment on fait pour transitionner à une autre chronique? Je sais pas, je pense que je vais faire des nouvelles. Pour mettre ma chanson au thème. Je pense que c'est ça qu'on ferait. Je pense qu'on ferait. On serait dû. On serait dû pour des nouvelles. On n'est pas informé depuis un bout. J'en ai une bonne nouvelle qui affecte toute la population d'Internet. Ah ouais, vas-y donc. La semaine passée, le FBI a perquisitionné 9 domaines sur Internet. Ben oui, je suis tombé sur un Ninja Vidéo, fini. Ils sont tous. Ben, ils doivent être en prison ou je sais pas trop, des amendes de fous. Ben, ah ouais. Ouais, sur le site web, tu as le logo du FBI. C'est propriété de l'État maintenant avec le plan de Barack Obama, Crackdown on Piracy. C'est assez intense. Là. C'est des grosses affaires qui se passent là, au niveau de. La distribution. Dans l'audage. Ouais. Ben moi, c'est ma TV, ces affaires-là. Fait que là, je suis sans médias et donc beaucoup plus productif. Check des vidéos sur YouTube. Merci Barack Obama. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci Barack Obama de rendre Cédric Taillon plus productif. D'accord, alors allons-y. Une femme de Grand Junction, Colorado, est rentrée dans le fossé à reculons sur une route de terre dimanche dernier après avoir supposément rencontré un vampire. Selon ses dires, elle roulait lorsqu'elle a aperçu la créature de la nuit et aurait alors eu peur et aurait décidé de reculer, ce qui l'a fait tomber dans le fossé. La police ne croit pas que l'alcool ou la drogue soient des facteurs de l'accident. On n'a pas trouvé non plus de traces du vampire. Ah, sur une même note vampire, je sais pas s'il y en a qui check True Blood, là. Ah non, collègue check ça. Attends, mais la semaine passée, là, l'épisode finit avec ça. Spoiler alert. C'est un vampire qui fourre une vampire en missionnaire. Puis là, il lui twiste le cou 180. Puis là, elle est encore en vie. Tu sais, les vampires, ça lui fait juste mal. Mais... Puis elle fourre missionnaire, mais avec la tête à l'envers. Donc, un hybride missionnaire. Doggy style. Meilleur des deux mondes. Vraiment. Elle devait être lettre. Ben, je pense qu'elle la faisait juste chier, le double. Fait que c'est juste ouais, comme un egg. Qu'on appelle, il l'a négué. Il a été lui enlevé de son estime pour qu'elle vienne la rechercher plus tard. C'est un gros spoiler, je suis pas rendu là, moi. Non. Ah, désolé. Ok. Nouvelle numéro 2. Nouvelle numéro 2. Pas écouté le premier épisode encore. Ouais. D'accord. Eric Smith de Long Island, New York, était avec ses amis sur son toit pour le 4 juillet et faisait exploser des feux d'artifice. L'homme de 36 ans utilisait un tube de métal d'un mètre de long afin de lancer des mortiers dans le ciel. L'un de ces mortiers aurait explosé avant qu'il n'ait eu le temps de se tasser et lui a arraché le bras au niveau de l'épaule. Bravo. L'homme a été transporté à l'hôpital où les médecins tenteront de réattacher son bras. Voilà. Qu'avons-nous appris? Combien d'autres? Il m'en reste une, on va la garder pour plus tard. Ben, oui, ouais. Y a-t-il quelqu'un qui veut parler du film? Parce que... ben, moi, j'ai un mail que Tommy nous a envoyé avec son texte du film. On pourrait le lire. Ouais, le film de ce soir, on vous attend en grand nombre au brouhaha. Venez, il y a des prix à gagner, mais c'est du soin à un plus parce qu'il y a de la boisson. Puis en même temps, pendant que je le lis, là, je pourrais mettre un... J'ai enregistré des bouts du disque pour arrêter de fumer que m'avait donné Israël. Ah oui, oui, oui. Puis je pense que ça serait un cadeau intéressant à faire à nos auditeurs. Là. Il y a une track que c'est du piano, mais il y a des messages subliminaux, donc c'est impossible de les repérer avec le conscient, mais ça nous fait arrêter de fumer, tu sais, juste en l'écoutant. Fait que je me disais que comme ça, tous nos auditeurs qui veulent arrêter de fumer, ben ça va être... Non, c'est un beau cadeau pour l'humanité. Tu veux la fumer, ma clope? Ouais, là, tu me sentir mal, ça va-tu me faire vomir quand je dors? Faut que t'écoutes plus, là, faut que t'écoutes plus. Alors, on commence ça, et puis toi, tu vas parler de TC2000 pendant ce temps-là. C'est ça qui va se passer. Avec Billy Blanks. Avec Billy Blanks. C'est bon, on part ça. Maintenant que vous êtes mieux préparé pour cette séance de détente subliminale, écoutez attentivement la musique, mais sans faire d'efforts. Des distractions. Écoutez de la musique sans faire d'efforts. Probablement à un moment ou l'autre. Forcez-vous pas tant que ça à écouter. Hein, ramenez alors simplement votre attention sur la musique, toujours sans faire d'efforts. Donc, écoutez pas Étienne, s'il vous plaît. Les prochaines minutes n'appartiennent qu'à vous. Oh, c'est ça. et à moi. Donc, on va parler TC 2000. Donc, je vous rappelle que j'ai lu le texte de Tommy. Donc, c'est son style du début à la fin. Si vous avez des enfants en bas âge, vous devriez les éloigner. Parce que TC 2000 est sûrement le film le plus démesurément loadé de combats inutiles, caves et violents que le souvenir fait vivre dans mes cellules, d'autant plus grises à l'approche du dit film. Billy Blanks, c'est l'inventeur du Taibo ainsi que la mascotte de Subway avant que ça ne devienne Jared. Quel homme ce Jared quand même, tasser Blanks du revers du 12 pouces pour 5$. La superstar donc, c'est Billy Blanks qui joue le rôle de Jason. Donc en fait, ça se prononce Jason et non pas Jason. Jason, pas Jason. Policier d'un futur totalement invraisemblable dans lequel la population humaine tout entière existe dans des souterrains miteux décorés de canalisations. Je ne développerai pas trop sur cet acteur douteux accompli qu'est Billy Blanks, puisque pour l'instant, j'aimerais décrire la journée de travail du héros que le film nous fait vivre. Après un premier combat dans la zone extérieure, Jason relaxe au commissariat en se battant avec un collègue. Ensuite, de retour au boulot, Jason doit aller botter une gang de rue dirigée par le très méchant Picasso. La vie étant ce qu'elle est, sa coéquipière se fait tuer durant ce combat. On apprendra plus tard que leur sergent de police les a trahis, mais ça ne change rien au rendu. Cette affaire en est maintenant une personnelle. Comme le boss est un traître, il fait porter le chapeau de l'assassinat à Jason, qui devient l'ennemi de ses collègues et se voit forcé de répliquer en cassant la gueule de la majorité de ceux-ci. Puis il s'évade pour mener sa propre enquête, d'autant plus personnelle. Ça, c'est du jamais vu. Plus tard, Jason croise un gros nabs laid dans une ruelle. Le gars vient de voler un sac à main à une vieille dame. Notre héros réagit d'instinct en lui crissant une méchante volée. Finalement, pour se payer de quoi manger, notre ami fugitif participe à un combat de rue, quoi d'autre, pour gagner l'argent lui permettant de se payer un bon vieux Rat Burger du futur et de l'eau pure, symbole de post-apocalyptisme. Et tout ça en une seule journée de travail. Outre le sublime Blanks, ce douteux mémorable met également en vedette Jalal Meri, Bolo Young, Matthias Hughes et un moustachu vraiment très fade. Donc on va avoir encore le Steven Seagal de Beyrouth, Jalal Meri, et Big Bill, Billy Blanks, dans le même long métrage. J'ose vous rappeler que la compagnie de production de Jalal Meri est la compagnie culturelle ayant eu les meilleures années 90 au Canada. Ça paraît tellement dans le film de ce soir, un grand classique de notre mouvement, flottillant autour du -7, -8 facile. À noter, l'imbécile de programmeur qui a décidé de donner cette voix de consanguine castrée à son ordinateur. Et voilà, alors ce soir, au brouhaha, ne manquez pas ça. TC 2000. Oh, quelque chose de l'ormier. quelque chose de l'ormier. Coin des chose. Carrières. Ouais, coin des carrières. Vous êtes 18 ans et plus parce qu'il y a de la boisson. Et puis, si on avait des extraits du film, on les ferait jouer là. Ouais, c'est ça. Ouais, alors, c'est on va peut dans... quand même imaginer ouais, on que peut ça imaginer comme... Espèce d'enfoiré. Ouais, c'est dans celui-là que Bolo Young est capable de donner un coup de poing au travers d'un gars pour fesser le gars en arrière du gars. Ah, oh, ça se peut, ouais. Je pense que, ouais. Ça, c'est ça pas pire, ça. L'allure comme move. Ouais. Je me l'imagine. Il faut au travers d'un gars. Il faut au travers d'une porte, puis il faut au travers d'un gars attends, aussi. Attends. Est-ce que son poing défonce le torse du gars pour aller... Non. Il donne un coup, puis ça... C'est genre le choc, là. Il y a comme un shockwave qui passe au travers du gars, puis ça fait mal juste à l'autre gars en arrière. OK, pas au gars intermédiaire. Pas au gars au milieu. Non. Le gars au milieu est correct, là. Il est comme air, fait ça. Mais l'autre gars en arrière est genre mort, là. Ouais. Fait que, est-ce qu'on passe à David Sedd? Oui, David Sedd. On serait dû. Allô? Parlons Coupe du Monde, qu'on en finisse. Ça finit quand, ça? Ça finit le 11 juillet. Qui va gagner? Justement. Fait que tu seras là la semaine prochaine. C'est sûr. On va fêter, d'ailleurs. Bon, juste une petite parenthèse. On sait bien, on a nos quatre équipes pour le carré d'or. C'est Uruguay contre Pays-Bas. Hein, félicitations pour l'Uruguay. Les Pays-Bas qui ont battu le Brésil dans un match assez enlevant. Et puis, de l'autre côté, on va voir Allemagne-Espagne. Je peux faire des petites prévisions? Ça va être enregistré sur MP3. Hein? Oui. Je pense que... Uruguay, Pays-Bas. Et puis Allemagne, Espagne, je vais mettre l'Allemagne. Et puis Pays-Bas, Allemagne, je vais mettre Pays-Bas. Okay. Voilà. C'est Pays-Bas. C'est enregistré. Pays-Bas, le gars. Ah, ben moi, je dirais la même chose que toi, sauf que moi, je dis que c'est l'Allemagne qui va gagner. Et on va voir. Ce sont assez deutsch, mais. Ouais. Il n'y a personne qui prend pour le Danemark. Moi, je prends pour le Congo. Moi, je veux dire. Danemark, tout plus, hein. Non, mais c'est qui l'autre team, le contre Pays-Bas? L'Uruguay. Personne ne prend pour. Non, moi, je prends pour l'Uruguay. Suarez, Diego Ferland, c'est de super bons joueurs. Ballon d'or en Espagne pour Diego Forlán, mais bon, c'est une équipe jeune, puis les jeunes, on n'aime pas trop ça. On aime ça l'expérience. C'est important. Moi, je vais dire tout le contraire de toi, juste pour te carrer. Ah, ben, c'est enregistré. J'ai jamais suivi rien, là, puis je dis ça. Et puis, Uruguay, Espagne. On met 5 $ Est-ce qu'on a le droit de gager en ligne au Canada, c'est-tu légal? Non, on n'a pas le droit. Vous pouvez appeler pour mettre vos gageurs. On a des licences Entra à donner. Donc, ça, c'était pour la petite mise à jour. Pour puis d'ailleurs, ce qui était pas pire cette semaine dans l'actualité du Parce qu'on s'en fout, c'est les sélectionneurs qui sont fait présenter la porte tranquillement. Hein, évidemment, oui. Dunga au Brésil, il est rentré chez lui sous très haute sécurité parce qu'il y a eu des menaces de mort, évidemment. Oui. Bye-bye, perdu sa job. Dominic en France, perdu sa job. Ah, on parlait du Congo, mais on pourrait revenir aussi sur le Nigeria. Sur Tintin. Le roi... On pourrait revenir sur Tintin. Tintin, la Coupe du Monde. Le président au Nigeria qui s'appelle Goodluck Jonathan, après la défaite du Nigeria dans le round préliminaire, a déclaré que l'équipe était interdite de compétition internationale pendant 2 ans. Oh. Maintenant, je pars du principe que... Ton équipe, elle n'a pas gagné parce qu'elle n'est pas assez bonne. Fait que je ne sais pas si les empêcher de jouer contre les autres, c'est nécessairement la meilleure idée. Fait que je ne sais pas. Si on a des auditeurs nigériens, ils pourraient m'appeler et m'aider, m'orienter sur cette décision. Puis on a des Nissan Sentra. On a des Nissan Sentra. Il faut être citoyen du Canada, par exemple. Mais la Nissan Sentra, tu sais que c'est Renault qui l'a fait, puis ça s'appelle la Mégane en France, en fait. Mégane. C'est une Renault Mégane. Genre M-E-G-A-N. Non, non, M-E-G-A-N. Comme le nom Mégane. Mégane. Mégane, vraiment Mégane. Pas de H. Également, fait plutôt rigolo, Biesla, qui était un entraîneur qui était d'origine argentine, qui était le sélectionneur du Chili, qui était littéralement haï. Il a dû s'exiler parce qu'il n'avait pas amené l'Argentine en... il les a pas fait gagner il y a 4 ans. Et bien, tout d'un coup, maintenant qu'il a fait ramener le Chili sur la scène mondiale, et bien, la présidente argentine, agent double, aurait déclaré au Chili qu'il ne l'avait pas donné, mais bien prêté. Fait qu'on dirait que comme les relations se réchauffent entre ces deux pays-là, encore grâce au football, c'est pas rien. Peut-être l'été aussi. Et puis aussi dans Joachim Löw, qui est l'entraîneur de l'Allemagne, qui s'en va donc jouer contre l'Espagne, a déclaré que l'Espagne était l'équipe favorite. Fausse modestie, c'est pas super honnête. J'aime pas ça, cette attitude-là. Il faut être capable de dire je vous aime pas, on va vous battre. donc c'est pour la mise à jour. Maintenant, la définition que j'aimerais faire, je sais pas si vous entendez souvent le mot beautiful game. Hein? On appelle souvent le soccer the beautiful game. Puis il y a plusieurs raisons pour ça. Parce que c'est vraiment une rencontre mondiale. Je vais faire des petites allusions, des matchs super intéressants. Vous savez qu'en 98, à la Coupe du Monde, il y avait un match Iran-États-Unis. On parle de pays qui ne se parlent pas. On parle de pays pour qui l'information entre sur chacun d'entre eux est complètement coupée, mais sur un terrain de foot, ça se rencontre. Puis vous savez qui a gagné? L'Iran. C'est l'Iran, 2-1. C'est dans un match assez spectaculaire avec un but, je vais vous nommer les gens. En plus, j'ai ça direct en dessous de mon... C'est des beaux noms qu'on connaît bien de chez nous. Ben, je dirais que c'est des noms que l'ADQ aurait des députés avec des noms comme ça. Donc, on parle de Naïm Sadavi. Et puis, bon, l'autre, ça va passer ou ça va revenir tantôt? également, on a vu cette année, je sais qu'il y a eu beaucoup de... On a parlé beaucoup de ça, la Corée du Nord, pour lesquels on n'a aucune nouvelle. Hein, c'est des gens qui n'existent pas, c'est stalinien, c'est vague, c'est fantôme. Non, c'est des gens qui vivent, et puis ils vivent pour jouer au football. Alors voilà, c'est une autre belle histoire, grâce au style de The Beautiful Game. Ils ont diffusé, je crois, cette année, seulement les highlights des parties, parce qu'ils ne voulaient pas diffuser toutes les parties pour garder le positivisme de... Ça n'a pas dû être bien long, les highlights qu'ils ont présentés. Non, c'est assez particulier. Mais c'est il y a eu quelques arrêts, là. Tu sais, quand l'expression « jouer sa vie », ben pour un joueur coréen du Nord, c'est ça. Également, ce qui est intéressant au football, c'est le concept de minute. Hein. Quand tu fais un but, c'est à la 59e minute, c'est à la 8e minute. C'est pas comme au hockey, là. Le millième de seconde, là, on s'en tabarnak. Je veux dire, si tu veux voir le but, ben, il va falloir que tu écoutes la minute au complet. C'est comme ça que ça marche. Pas de reprise vidéo. Pas de reprise vidéo, c'est pas beau, ça? Il n'y a pas de reprise vidéo. Mais non, il n'y a pas de reprise vidéo, comme ça, les arbitres peuvent se tromper. Pour nous, spectateurs à la télé, il y en a, mais pas sur le soccer, ça laisse couler. Je veux dire, imagine le hockey, pas de reprise vidéo. Là. La game, je pense qu'elle va durer moins que 60 minutes. Également, bon, ils n'ont pas accès aux caméras. Le temps supplémentaire qui est à la discrétion de l'arbitre. Mm-hmm. Encore là, le facteur humain qui rentre en jeu, je pense que c'est un modèle sur lequel on devrait se pencher. Donc ça, c'est pour The Beautiful Game. Également, j'ai eu beaucoup de commentaires d'auditeurs, hein, ça, parce que ça peut. Il a fallu que je change d'adresse courriel. D'ailleurs, Tommy, si tu nous écoutes, je vais te charger pour ça. Tu recevais des plein de monde qui te disaient « Enlarge your penis ». Tu faisais comme « Comment ça qu'ils savent ça? » Il me semblait qu'on ne l'avait pas dit. Mais on m'a posé souvent la question, tu sais, bon, le football, c'est un sport de fuffi. Pourquoi que ça se lance par terre, tout ça, non. Mais avec la technologie maintenant, vous savez, Diego Forlán, on parlait du joueur uruguay, quand il a fait son but, la balle est arrivée à 111 km/h. Je sais pas, moi, si une boule de cuir arrive à 111 km/h, je suis pas sûr si j'ai envie de mettre ma face devant. Là. C'est parce que t'es fuffi. Enlarge your penis, man. Enlarge your penis. Puis un point qui est arrivé souvent, c'est pourquoi les gens se pitchent par terre? Puis là-dessus, j'ai une entrevue avec José Mourinho. J'ai pogné un excerpt d'un petit commentaire qu'il a fait, puis je pense que ça va résumer pas mal toute la patente. C'est que, vous savez que, bon, qu'au football, au soccer, il y a juste un arbitre. Ben, il y a des arbitres sur les lignes, mais il y a un arbitre qui voit tout. Du coup, quand tu tombes, tu veux attirer l'attention, tu veux être sûr que t'es pas tombé pour rien, que hein, ce qui s'est fait, ça s'est pas fait tout à fait gratuitement. Donc José, de dire qu'en Angleterre, les coachs apprennent aux enfants comment jouer au football, mais en Italie, en Espagne et en Portugal, ils apprennent comment gagner un match. Toute la nuance. Okay? Si vous regardez un match de Copa América entre l'Argentine et le Brésil, ils trichent de la première à la dernière minute. Toujours citation de José Mourinho, le fameux coach portugais. Et lui de terminer, je dis aux joueurs de ne pas être naïfs, mais d'être justes. Je déteste les plongeons, mais je ne suis pas content si un joueur reçoit un coup ou se fait pousser dans la surface et reste debout, car il est très très rare qu'un arbitre siffle si le joueur ne tombe pas. Donc voilà. Et puis de terminer ma chronique avec une citation de Nelson Mandela. Hein, je pense que c'est à point dans la vie. Tu veux dire Morgan Freeman? Ouais. Ben les deux, je pense que les deux, ils l'ont. Ouais, je pense que c'est bon pour les deux. Tout le monde l'a déjà dit, ça. Dans la vie, la plus grande gloire n'est pas de jamais tomber, mais de se relever après chaque chute. On entend ça dans Rocky hier après aussi. Après chaque chute. Chute voilà. Happens. Et si j'ai changé et que et vous juste avez changé. Aussi, je vais partager un fait personnel. J'étais moi-même au Vélodrome à Marseille. C'est le 29 septembre 2005, j'avais été voir un match contre une équipe belge qui s'appelle le Germinal de Beerschot. Oh oui, la ville, elle s'appelle Beerschot. Je sais pas si... moi, je trouve ça... c'est plus l'autre mot, là, Germinal. Oui, le Germinal. C'est quoi, ça? C'est une équipe de football. Non, je sais, mais... C'est un animal. C'est un film aussi. C'est un livre. C'est un livre de... Ça avait fini 0-0. Mm-hmm. Hein, comme un classique. Ouais. Vous avez gagné au tir au but parce qu'il était obligé de gagner. C'était un match de finale. Puis j'ai vraiment rencontré... En fait, c'est là que je me suis rendu compte que réellement, il y a des gens qui s'en foutent. J'avais payé, je crois que c'était 70... Ben ouais, c'est... Tu viens juste de la poignée. Ça fait 3 semaines. Il faut lui donner ouais. Le mode d'emploi. Le mec à côté de moi, on parle d'un billet. J'étais dans la section, dans les tribunes. Hein. J'étais pas dans les virages, pour faire référence à ma dernière chronique. Il y avait le mec à côté de moi, 70 €, j'avais payé pour ma place, j'étais avec des bons amis, avec mon oncle, tout ça. Il était assis à côté de moi. En fait, il était debout à côté de moi, le mec, de dos, pas de chandail. Il avait peinturé quelque chose dans son dos que je me rappelle pas parce que je savais pas lire à cet âge-là. Et puis, il ne se s'est jamais retourné du match. C'est-à-dire que le mec, il a payé l'équivalent de 115-120 $ pour aller voir un match qui a fini 0-0. Et... il a regardé donc les gens vers le haut. Il faisait dos au match et il est resté debout pendant l'heure et demie. Il ne s'est jamais retourné. Quand ils ont sifflé la fin du match, il a remis son T-shirt et il est parti. Ça, c'est parce qu'on s'en fout. Mais voilà. Wow. Ben, merci infiniment, David Seb. Merci, David Seb. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, avec peut-être des gagnants puis une belle finale. Oui. Et puis, amène ton argent, Étienne. C'est bon. J'apporte mon argent que j'ai pas le droit d'apporter. Go Congo. Moi, j'ai arrêté la musique parce qu'elle me tapait ses nerfs. Oui, ben là, tous les fumeurs ont arrêté de fumer, là, tu as remarqué? Ben oui, effectivement. Voilà. À l'instant. C'est bon. Qui c'est qu'on remercie? On remercie Jean-Claude Charbonneau. Musique Liberté. Étienne Forêt, tu as encore de la musique, toi? Ouais, pense aux Zed Coupe, puis tantôt, je vais parler de... Voilà. OK, oui, j'en ai de la musique en masse. Là, j'ai mis des tunes de pêche, parce que c'était ça, là, au début, mais on peut élargir un peu, parce que c'est quand même chronique nature. Donc, il n'y a pas que de la pêche dans la nature. La chasse. Il y a aussi moyen de se reposer comme ça de l'esprit et aller chercher son petit bout de nature, peu importe où est-ce qu'on est, en se faisant un petit jardin. Puis là, on se retrouve là, puis on se détend. Tout comme ici, Josette Noreau, qui nous chante Mon Jardin. J'ai joué avec elle en show. Pour vrai? Ouais, on faisait partie du même concours. C'est dommage. Bonne journée, Josette Noreau. J'aime m'effader dans mon jardin. Qui a gagné ce concours? Hein? C'est fou ce que ça me fait du Mimosa, bien. Mimosa, le Ben s'appelait. Je les connais, je crois. C'était le mort libérateur. Je me branche sur la création. C'est mon heure de récréation. On voit que les textes sont vraiment très inspirés et complexes. Oui. Et avec toucher du clavecin. Elle fait une chanson sur sa ménopause, on se souvient. Ouais. Ça va jouer la semaine prochaine. Je me déplace dans le temps. Je me revois couventine, le bonheur passant sourdine. C'est vraiment... moi, j'ai écouté ça en montant à Lac-Saint-Jean, tout l'album Sans abri de Josette Noreau, là. Puis, pas facile. Ça va avec le bruit de vent entre la tôle de ton char. C'est pas facile, particulièrement quand ma blonde est à sa côté et qu'elle bougonne tout le long, là, de mon choix musical. Nous autres, le dit, c'est celui qui conduit, il choisit les tunes, puis elle aime pas ça conduire, fait que c'est correct. Tu as passé une bonne crosse. Ouais. Exactement. Donc, sinon, parlant de passer des croches, justement, j'ai une petite démonstration d'un appo pour appeler des oies blanches tiré du disque Bach Expert Technique d'appel que Israël me fournit il y a une couple de semaines. Bien sûr. C'en est un assez intéressant. J'ai déjà pogné des filles sur ce disque-là. Ouais, en parenthèse. C'est pas surprenant parce que c'est assez. Il y a des petites références érotiques, là, on peut dire, That's What She Said souvent en écoutant ça. Regardez-moi, vous allez voir. 79M. 79M est pourvu de trois orifices. On place le bout de la peau dans le fond de notre main. Et on va jouer un peu avec nos doigts. On bloque un orifice, on débloque un orifice, on peut bloquer deux orifices. On joue avec nos doigts qui va nous donner des notes différentes. Voilà. Les sons de nourriture. Les sons de nourriture. Voyez-vous, le son change lorsque je change d'orifice. J'utilise maintenant les notes do it. Les notes do it. Premier orifice, deuxième orifice. Troisième orifice. Voyez-vous, la note devient beaucoup plus rauque. Maintenant... Ouais, fait que dans le troisième orifice, la note est beaucoup plus rauque. Vous retiendrez ça à la maison. Ça attire quoi, le rauque? Ça attire des oies blanches éraillées, là, je sais pas. Des lendemains de veille. C'est ça, des oies blanches, ça, c'est le lendemain de party. Donc, voilà. Sinon, parlant de cris d'animaux, il y a Nathalie Simard qui nous a fait une belle petite chanson qui s'appelle « Le cri des animaux », où on démystifie tout ça pour vous à la maison. Tiré de l'album « Le village de Nathalie », volume 1. Penses-tu que c'est elle qui fait les bruits d'animaux? Non, je pense pas, non. Voilà, on peut se le demander. Peux-tu arrêter? J'aimais mieux le tam-tam des gorilles. Ouais, j'attendais d'avoir la réponse. Finalement, les enfants, ils font tous les cris de l'oiseau à l'éléphant. Ouais. C'est les enfants qui crient. Ça, c'était notre... C'est Nathalie Simard qui fait une tune sur des enfants qui crient. C'est un peu drôle. Ouais, c'est ça. Ouais, personne n'avait fait ça. J'ai appris du temps. Là. D'habitude, c'est pas long, là, la joke sur Guy Cloutier quand je parle une tune de Nathalie. Ouais, ça faisait longtemps. Ouais, non, je sais. Je suis un peu déçu. C'est peut-être parce que Predge en a parlé. Mais au moins, elle a parlé d'oiseau puis elle a parlé d'éléphant. Puis ça, on peut faire des références phalliques avec les deux. Ouais, c'est vrai qu'on peut. Ouais. C'est ça. En tout cas, dans le sens de tromper puis volage. Ouais, voilà. Exactement. Merci. Okay. Fait que, voilà. Sinon, parlant d'oiseaux, justement, j'ai une excellente chanson de Catouin qui fait sa reprise de « Ça fait rire les oiseaux » de la Compagnie Créole. Ah oui. C'est, vous allez voir, c'est intolérable. Mais je vous demande de l'écouter quand même un petit peu, surtout jusqu'au refrain. Là. Lui, il appelle ça, ou elle, en tout cas, c'est pas clair. Ça fait oui ou les oiseaux. Donc, ça s'écrit vraiment avec des W. Ça fait oui les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait oui les oiseaux et chanter les écouilles. Hey, ouais, c'est bon. Des couleurs, couleurs de la cancienne. Yeah, yeah, yeah. Oui, les oiseaux. C'est ça. Oui, ça fait pas sérieux, là. C'est pas tellement, ça fait oui, les oiseaux. Oui, les oiseaux. Non, sûrement qu'il y a une certaine qualité dans la production. Comme les chansons d'amour, c'est comme le ping en avion. Oh. Ah, un autre instrument de musique là, qui vient d'embarquer. À un moment donné, il va chanter en duo avec lui-même. On écoute ça au complet, ça, là. Lui ou elle, je sais pas, c'est hermaphrodite. C'est hermaphrodite, tout ça. Si on l'écoute au complet, il reste 2 minutes. On peut se laisser aller. Okay. On va peut-être pas l'écouter au complet, mais on va l'écouter le plus loin qu'on peut. Après ça, ça va être vrai. La tête pleine de souvenirs, les soirs pleins de lune, les moments de plaisir. T'es revenu chez toi et tu veux déjà repartir. Pour trouver l'aventure qui n'arrête pas de finir. S'il y a de quoi dans ta nuit, t'es l'âme dans ton cœur. La musique est là pour ça. Y'a toujours mélodie pour les jours meilleurs. Allez, tape dans tes mains, ça vaut de bonheur. Toute beauté. Voilà. Ah, ben on l'a tapé jusqu'au complet. Ouais, hein, on finalement, est bon. On l'a tapé jusqu'au complet. Et voilà, ben, j'y vais vite fait. Après ça, ça va être la nouvelle de Bruno. Puis après ça, ça va être fini. Ben, vous souvenez-vous, il y a quelques semaines, j'avais emmené une de mes lettres de secondaire de Virginie. Oui, et oui. Et Virginie me disait, dans ces mots-là, j'ai un problème, j'aime un garçon, il est gentil et rigolo. Et je crois que c'est toi. Ouais, ouais, je me souviens. On s'en souvient de celle-là. Ben, quelle ne fut pas ma surprise d'ouvrir mon Facebook hier matin? Et de recevoir le même genre. Ah ouais? Ah ouais. De la même personne? Non, c'était pas Virginie. Mais c'était quelque chose comme... je vais y aller à peu près par cœur parce que je peux pas avoir mon Facebook devant moi, malheureusement. Mais c'est quelque chose comme « Bonjour, je te vois souvent dans les shows des prostitutes. » Ça commence bien. Ouais. Et dont celui de hier soir ou de ce soir, parce qu'elle m'a écrit sûrement en drunk message Facebook. Ouais. « Tu as l'air gentil et différent. » Ça, c'est vrai, par exemple. Ouais, c'est vrai, mais j'étais super boubou, dans le fond. Je voyais Vince, puis j'étais triste, moi, ce soir-là. Puis il s'en va jouer dans les prostitutes, puis là, je t'en crisse, puis là, c'est ça. Puis là, c'est ça. Puis j'avais bien le goût de te parler, mais je t'ai pu retrouver après, parce que j'étais parti après, parce que j'étais en crise, t'sais. Puis, fait que c'est dit quelque chose comme je me sais sur Facebook. Puis, je le sais que c'est random. Fait que là, ça montre à quel point qu'elle est pas au secondaire parce qu'elle sait que c'est random. Mais j'ai osé. Je l'ai invité à une activité. Ah oui. Ouais. J'aime ça, l'aventure, moi. Ouais, fait que tu l'as invité à une activité ce soir au brouhaha? Non, du tout. Mais ça se peut qu'elle se pointe parce que je pense qu'elle est saineuse à ce point-là. Ah ouais? T'as une groupie, ça veut dire. Non, ça j'en ai d'habitude. Ah, t'as-tu rajouté comme ami? Ouais, on s'est jasé un peu hier, là, pour mettre ça plus au clair. Là. Je l'ai invité en date de musée, comme je fais souvent. Ah, Mais elle paraît que sa bête travaille au musée, puis elle va me reconnaître parce que j'ai déjà invité d'autres filles. Parce que je la connais aussi, la fille au comptoir, que c'est sa bête à elle. Ah, mais tu pourrais l'inviter dans un autre musée. Elle a un nom bâtard, elle s'appelle Kéra Guédouani. C'est bon, ben tu nous donneras des updates. On la salue, je suis sûr qu'elle écoute. Tu nous donneras des updates. Ben oui, c'est ça, elle est saineuse à ce point-là. Elle écoute. Elle est saineuse à ce point-là. Fait que donc, je vous donne des updates dans les prochaines semaines sur comment ça se passe. Ben oui, c'est bon. Tu l'inviteras ici, carrément. Ah ouais, je pourrais l'inviter si je m'appelle, moi. Tout à fait. Puis il dit qu'est-ce qu'elle en pense. Ah ouais. Lui dire qu'est-ce qu'elle en pense. C'est ça. Là, t'aimes ça, OK. Fait que on la salue. Non, tu peux nous appeler. Nouvelle, Bruno? Oui, il me reste une dernière nouvelle qu'il va falloir que je la trouve. Là. voilà. Alors, une acupuncteur de Hanoï au Vietnam affirme pouvoir déterminer si un homme est encore vierge grâce à un petit point sur les oreilles qui, selon elle, disparaissent si l'homme a eu une relation sexuelle hétérosexuelle. Ah, hétérosexuelle. Voilà. Femme Thi Hong affirme que le point ne disparaît pas avec la masturbation ou avec les relations homosexuelles. Cette affirmation a tellement convaincu la communauté scientifique du Vietnam que la femme a réussi à faire libérer 3 hommes condamnés à la prison pour viol. La découverte du point sur les oreilles de 3 hommes servant une peine de 16 ans pour viol collectif a fait réouvrir le dossier et des failles ont été trouvées dans l'enquête, entre autres le fait que les témoignages prouvant leur innocence aient été ignorés lors du procès. Les 3 hommes avaient déjà servi 10 ans de leur peine. Voilà. Oh my God! Ils vont passer se faire acupuncturer. Acupuncturer, voilà. Exactement. Elle a dit aussi qu'elle ne fait pas, ouais, c'est ça, elle n'est pas en train d'essayer de libérer tout le monde, là, mais que s'il y a du monde qui a besoin d'aide, elle va les aider. Voilà. Très noble de sa part. Mais admettons que tu mets une pin dans ce petit point-là, genre, que ça fait. Je sais pas. L'histoire le dit pas. Le reverse, là, mettons. Faudrait. Si ta virginité, si ce point-là se fait dévierger. Faudrait appeler Femme Tiang. Fait que ça conclut notre émission de 70% de cette semaine. C'est qui conclut l'émission de 70% de cette semaine. Étienne Forêt. Ouais. Tu as quelque chose à dire avant qu'on s'en aille? Non. C'est bon. Julien Bernatchez? Oui, oui. Ouais. Non. Boule et Bible. Boule et Bible, d'accord. David Sedd? Oui. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Cédric Taillon, un petit indicatif. T'as-tu un indicatif? Self-promotion. Ouais, vas-y, fais-nous un indicatif. Fais-nous un indicatif, Cédric Taillon. OK, fait que là, silence, c'est ça? Ouais. OK. Ici Cédric Taillon, peintre officiel du 70% et du douteux.org. Ben, vous écoutez 70%, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Invité! Ça cogne à la porte. Et Israël Trudel-Lenny? Ah, ben salut, si tu nous écoutes. La prochaine fois, c'est toi qui fais la console? OK, cool. Ben, tu t'en sors bien, là, Bruno, tu t'améliores. Ouais, c'est ça. Ben, moi aussi, je pourrais aller pousser sur des boutons. Ben ouais, c'est ça, j'ai compris les boutons, là. Il y a des boutons, puis... Fait qu'on vous laisse avec rien. On vous laisse avec rien, c'est pas pire, ça. On vous laisse avec... On va remettre le truc de message subliminal, je crois. Ah, ouais, puis comme ça, vous allez vraiment ça, arrêter, vous allez de, vraiment fumer arrêter de fumer. Alors, bonne semaine, venez nous rejoindre au bois. Ne quittez pas Choc FM, car la prochaine émission est bonne. Dans ta bulle. Dans ta bulle, que ça s'appelle, c'est ça. Au revoir. Écoutez attentivement la musique, mais sans faire d'effort. Des distractions surviendront probablement à un moment ou l'autre au cours de l'exercice. Ramenez alors simplement votre attention sur la musique, toujours sans faire d'effort. Les prochaines minutes n'appartiennent qu'à vous. Thank you. lundi 5 juillet 2010, vous écoutez l'épisode 110 de Dans ta bulle, l'émission BD sur les ondes de Choc FM.